Lettre 14e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, mai 301. Après un voyage en mer assez pénible et très dangereux, en proie au vent, aux tempêtes, nous débarquâmes ici, Tiridate et moi, il y a 8 jours. Oh, charme puissant de la patrie, comme tu fais palpiter mon cœur! Quel bonheur de revoir, après un long éloignement, le lieu de sa naissance! Après une traversée aussi dangereuse, me diras-tu peut-être, chaque rivage nous aurait paru désirable. Non, Phocion, il n'en est point ainsi. L'émotion que j'éprouvais n'était point celle d'échapper à un danger. À la vue de ces campagnes que je parcourais dans mon jeune âge, de cette grève où si souvent je fus couché pendant des heures entières à regarder la vague se briser à mes pieds, l'immensité des mers se déployer à mes yeux, mon âme se remplit de 1000 sentiments impossibles à décrire. J'eus bientôt découvert dans la foule des bâtiments élevés en amphithéâtre la maison paternelle et ses jardins qui rappelaient tant de choses à mon cœur oppressé. Je me sentis comme électrisé. 1000 souvenirs amers et doux se présentaient à ma pensée. J'en étais si ému que j'avais peine à respirer. Mais quelques larmes involontaires que je ne cherchais pas à retenir vinrent me soulager. Tiridate aussi, quoique bien éloigné de sa patrie, ne fut guère moins saisi que moi en contemplant ces côtes de l'Asie, théâtre des grands événements qui vont se passer. Nous nous embrassâmes, et dans cet instant solennel, nous jurâmes saintement d'être fidèles à l'amitié, à la vertu. Dans ces dispositions, nous débarquâmes et nous nous rendîmes dans la maison de mon père. Il vint à notre rencontre avec bien plus d'aménité que je ne m'y attendais. La présence du prince d'Arménie, favori des deux Césars, m'a sans doute valu cet accueil et a paru lui faire grand plaisir. Pour moi, sans me laisser aller à aucune réflexion, j'ai joui du bonheur de revoir mon père, plus tendre, plus prévenant que je ne l'avais vu depuis longtemps. Cette journée fut heureuse pour moi. Celle du lendemain ne le fut pas autant. Mon père désira me présenter à Dioclétien. Tiridate approuva son idée et trouva la chose même nécessaire. Ah, Phocion! Quelle répugnance j'éprouvais à faire une cour basse et servile. Que de fois il fallut envoyer demander, supplier, que l'on daignât nous recevoir. Comme mon père était occupé du soin puéril de notre habillement d'étiquette. Enfin, lorsque tout fut arrangé convenablement, nous nous acheminâmes, richement vêtus, accompagnés de 4 esclaves, pour nous rendre au palais. Je rougissais de honte et de dépit. Je croyais lire sur la physionomie des passants le mépris que nous leur inspirions. Tiridate était infiniment plus résigné que moi. Accoutumé aux usages orientaux, il ne faisait que plaisanter sur lui-même et sur nous. Nous arrivâmes et traversâmes d'abord une longue file d'appartements somptueux et décorés dans le goût asiatique. Puis l'on nous fit attendre dans un salon parmi une foule d'esclaves et de courtisans. Attendre, Phocion, 3 mortelles heures. Et à la 4e, on nous renvoyait chez nous sans avoir obtenu audience. Le superbe Auguste n'avait pas jugé à propos de nous voir. Sur l'ordre positif de mon père, et pour ne pas troubler l'harmonie apparente qui règne entre lui et moi, je me décidai le lendemain à renouveler la tentative humiliante de la veille. Cette fois, je dus à Tiridate d'être reçu aussitôt. Ah, Phocion, dispense-moi de te dépeindre mes sensations. Toi qui as formé mon cœur, tu le connais comme moi-même, et tout ce que me fit éprouver la présence de Dioclétien. Je ne pus m'empêcher d'admirer des talents et un génie tels que ceux que possède ce prince. Je ne lui refuse point la reconnaissance qu'on lui doit pour la tranquillité dont l'humanité jouit depuis son règne. Mais la couronne dont son front est ceint, et le trône élevé sur lequel il était placé, fermèrent mon cœur et mes lèvres. Mon père prit la parole, me présenta et sollicita pour moi une place dans les troupes. Je laissai tout dire sans proférer un seul mot. Que Dioclétien m'envisage comme un imbécile ou comme un rebelle, que m'importe. Il m'a nommé cependant centurion. Après-demain, je pars pour l'armée avec Tiridate. La terre brûle ici sous mes pieds. Quoique je sois peu accoutumé à la vie et aux usages des camps, je me trouverai en liberté lorsque j'aurai quitté ce séjour où tout me déplaît. Parce qu'il est actuellement, par les souvenirs du passé, par ceux de ma Larissa. Si Sénat Statilius a revendu la maison qui touche à la nôtre, un riche citoyen l'a acheté. Bien des choses y sont encore exactement comme elles étaient il y a 8 ans. J'en ai éprouvé du plaisir et de la peine. Je m'informai du propriétaire précédent, de Timancias, mais à peine s'en souvient-on. Cependant, quelques-uns prétendent avoir ouï dire que Timancias avait vécu inconnu en Syrie, sous un nom supposé, et qu'il est mort depuis quelques années. Ses fils sont dispersés et l'on ignore leur destinée. Sa fille, oh, Phocion, comme mon cœur était agité, elle doit s'être mariée, mariée. Je suis donc oublié, puis-je lui en vouloir? Cependant, cette idée déchire mon cœur. Peut-être est-elle aussi déjà dans le séjour des bienheureux. Ah, je ne sais laquelle de ces deux idées renferme le plus de tourments. L'espoir de la retrouver est perdu sans retour, et jamais aucune femme ne la remplacera dans mon cœur, pas même la trop séduisante Calpurnie. Je me suis séparé de cette dernière, ne sachant ni comment la définir ni que penser d'elle. Quand je lui annonçai mon départ, elle ne parut ni émue ni peinée comme une amie aurait dû l'être, mais blessée et irritée. Sa vanité souffrait de voir un esclave qu'elle croyait enchaîné pour jamais à son char de triomphe essayer de reprendre un moment de liberté, pour elle chose inouïe, impardonnable. Elle voulut me punir de cette rébellion en m'accablant de son indifférence, de sa gaieté, et jusqu'à mon départ elle a soutenu ce rôle. J'étais frappé bien péniblement de la découverte que je venais de faire de son caractère vain et peu sensible. Elle, formée par la nature pour être au-dessus de tout son sexe, si son amour-propre et la vanité ne fermaient son cœur à l'amitié. Ah, Phocion! J'ai connu une femme qui ne respirait qu'amitié, amour, modestie, humilité, oubli d'elle-même. Une seule. Et où est-elle maintenant? Lorsque je fis mes adieux à Calpurnie, il me parut cependant qu'elle tâchait de se surmonter et de me traiter avec intérêt et sensibilité. Nous nous sommes promis de nous écrire. Le souvenir de sa beauté et de son amabilité me suivra comme celui d'une journée passée dans la joie. Mais je puis assurer à présent qu'elle est sans le moindre danger pour ma liberté. Nous ne nous ressemblons pas assez pour nous aimer. Les dieux veuillent la protéger, lui donner un époux digne d'elle, un époux qui sente tout ce qu'elle vaut, lui vaut un amour constant, un culte continuel et une soumission parfaite. Il me reste si peu d'instants pour faire les apprêts de mon voyage que je ne puis t'écrire plus longtemps. Adieu, pense à moi.